Yo Rof, alors, cool ou pas? Horrible, deux heures. Bah viens, sinon on a qu'un qui a la soirée des tiens Mardo là. Ouais, bah je vais biper Mourad vite fait pour voir s'il est OP. Bah vas-y, on va te faire tout. Vas-y, on va voir ça. Je mets au jus quoi. Mets tout le monde au jus. Vas-y, on a tout ça. J'envoie un texto, on se retrouve à l'intérieur. C'était n'importe quoi l'expo, y'avait mieux à faire ailleurs. J'enquille sur la soirée, mes classiques sont neufs. J'y vais relax, ça devrait pas être l'épreuve. Mais trop en verre, j'colle, un dernier sticker et j'rentre. J'file mon invite, j'passe et j'prends la barre dans le vent. Y'a pas grand monde, mais ça danse sur la piste. J'vois un groupe de grandes blondes, sûrement des touristes. Il fait chaud et tant mieux, moi j'me mets dans le bain. J'm'acclimate au lieu, en oubliant le turbin. Pour soif pour attendre minuit, puis j'suis pas en chien. Vendredi soir, des fois j'suis mort, le soir j'suis bien. J'crois que tout le monde est bien, désolé pour le retard. Quand y'a Rimka qui pacha, tu le sais, c'est chaudard. L'ambiance est VIP, les trois quarts c'est baggy. Balance du Willy Pop face au New York City. Les meufs bougent leur boule, tous les mecs ont la dalle. Ils se font niquer par ces mecs qui direct s'installent. Pour un verre, pour une clope, pour rentrer en caisse. C'est l'envers du décor pour une histoire de fesses. Le champagne coule à flot, moi j'ai mon jus d'orange. Les lieux sont repérés, direct ça se mélange. 2h30 pile, la piste est blindée. Avec l'alcool, tout le monde fait des verres gondés. Les mecs trompent leurs meufs, les meufs trompent leurs mecs. Un mélange torride, c'est ça la discothèque. L'ambiance monte d'un coup, striptease sur le podium. Je vois mes skins, c'est le début de la session dancehall. Mec, gars, y'a pas vrai que les prudes. Pour croire que j'ai pas l'habitude, tant de béatitude sera si dur pour un abonné de la virus. Je rap, ça danse la hype au SeaWorld. Est-ce pour ces 10 clones, ces cons sont si chauds? Comme les mecs que je déteste, mais je reste zen. Et ouais, je vois pas les steaks, ça déstresse. Faut que les fesses peinent dans cette même scène. Ici règne, wow. Dégradé, wow. Boule à zen et très zen. Sale son, trop d'alcool et chante ton monté. Vlague dans le fond, ça s'affole, ça cherche à se dompter. Regarde mec énervé, les yeux injectés de sang. Les connards ont leur VRP sur le canapé comme on squatte un banc. J'quitte le coup de bouteille qui part. Les premières personnes qui se barrent. De bandes nerveux entourées de sous la rila. Le mec autour de la même table, c'est maintenant évident. Et même si c'est agréable, on file vers l'incident. Mais une avant que ça explose, j'cherche mes gars du regard. Et peu importe la cause, on est bien nulle part. Vas-y, reste tranquille, petit bâtard, va. Je vais te dérouler, enculé, va. Le cœur de l'embrouille, le même dans chaque soirée. Un mec veut pécho une meuf qui s'est déjà fait serrer. Ça joue les 50 cents, mais ici c'est Paris. F.A.R.O. te l'a dit, le coup de bouteille est parti. Chacun son clan, son équipe, en gros c'est le bordel. Ça parle avec les poings, alors que ça parlait d'hôtel. Tout ça me fait penser à Tyson Lewis. Une posée de chiffon, oublie le love and peace. Y'a des chaises qui volent, tout le monde quitte la boîte. Des videurs dépassés qui se prennent plein de droite. D'un coup tout va trop vite, un calibre, un tir. La suite des pleurs, une tombe pour se recueillir.